changement. Avant, il y avait les autres et nous. Maintenant, les autres, ils veulent être avec nous. Dans le fire, man. À la base, on était plein. On était beaucoup au départ. Mais ouais, ils ont merdé. Maintenant, ils guettent les stories. Dommage. Je sais pas où vous êtes, les gars, mais bon. Prenez soin de vous. Vous voyez déjà, vous savez que je prends soin de moi. You know the vibe, man. Les escaliers. Je reste là, ça peut pas bouger. Let's go. Si tu veux savoir, comme la vérité, j'arrive toujours en retard. Rien à dire sur moi, mais je t'entends parler. Les autres, comme la rumeur, j'suis dans la bouche des autres. Yeah. Si tu veux que je te dise, l'homme est mauvais. La tête sous l'eau, qui viendra me sauver. Qui me laissera me noyer, qui fait semblant de m'aider. Non, je deviens parano. Les liens se brisent, anciens frères dans mon rétro. J'finis seul à l'arrivée. Ma vie, ils ont bougé. Le dos, ils m'ont tourné. Venu tout retourner. Ouh, ouh. Baby game, c'est mon joujou. Tout, j'suis jeune, en fais un coucou. Baby girl, you know the vibe. Check, check, j'suis chez les grands. Pour la malina, bambina, ouais, j'suis élégant. Et mes traces dans le top, parce que j'ai fait ça sans les gants. J'suis marqué dans les temps. J'suis marqué dans les temps. Yes. Ça les voix, je me pose la question, je me demande pourquoi ils croient pas en moi, en vrai. Tu crois maintenant? À la base, on n'avait pas le choix, on a travaillé pour avoir le choix. Tu comprends ça? On est rentré par la fenêtre, on va ressortir par la grande porte. Trust me, daddy. Yeah, vas-y. Si t'es mon frère, est-ce que tu seras là demain? Je pointe tu même, je loyauté jusqu'à la fin. Ils voulaient me viser, bébé me le disait. C'était les sentiments. Je disais non, non. Je merci là-bas, je l'ai évité. Relation terminée, mais je repars du bon pied. J'aurais vu sur la côte, bientôt chez les côtes. Et oui, quand je quitte la vie de pauvre, là j'ai plein d'euros, ouais, je suis refait. 5 fois je suis tombé, 6 fois je me suis relevé. C'est la vie, c'est comme ça. Y'a des hauts, des bas, des pertes, des gagnants, la tristesse, la joie. It is what it is, ouais. Mais bon, on a la santé, y'a la famille, y'a le public aussi. Et tout va bien maintenant. Thank you, God. Amen. Let's get it.